La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce troisième volet, c'est bien ça, d'une série consacrée jusqu'à jeudi à l'auteur de L'ère du soupçon, Nathalie Sarraute. J'en suis tout bouleversé. Une série débutée lundi dernier par un panorama de la vie et de l'œuvre. C'était avec Jean-Yves Tadier qui nous a raconté l'enfance plutôt malheureuse à Paris et plutôt émue en Russie de la future écrivaine. L'enfance d'une petite fille qui se savait intelligente, plus intelligente que les autres, qui savait regarder et écouter et qui a poursuivi ses études en Angleterre, en Allemagne et en France avant de devenir avocate, profession dont elle serait radiée pendant la guerre du fait de ses origines juives. Hier, ce portrait de la vie et de l'œuvre a été complété par Pascale Fautrier qui nous a expliqué comment, selon elle, le rapport à une mère par trop flamboyante avait pu influencer son écriture, tout comme la traque des Juifs pendant la guerre pouvait être lue comme un point de départ à une écriture qui refuse de caractériser trop les personnages, comme pour souligner à quoi peut conduire l'assignation d'identité trop figée ou trop simpliste. Demain, nous serons dans l'intimité de Sarraute avec Roland Cosse et Michel Gazier. Toutes deux avaient l'habitude de tirer la sonnette de l'écrivain pour d'agréables après-midi de conversation. Elles en ont fait chacune un livre. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, une part primordiale de l'œuvre de Sarraute avec une émission consacrée à son théâtre. Je reçois Jacques Lassalle qui a mis en scène plusieurs de ses pièces, notamment « Elle est là »,« Le silence », tous deux « Au vieux Colombier » en 1993 ou encore la célèbre « Pour un oui ou pour un non ». C'était au Théâtre de l'Atelier en 1998. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je crois que toute écriture devrait être, sauf évidemment l'écriture quand on fait du journalisme, on raconte des faits qui doivent être racontés avec une grande précision. Toute écriture, même romanesque, devrait être une écriture poétique, c'est-à-dire qu'elle devrait être primordiale. Le rôle de l'écriture devrait passer avant tout, ce serait le rôle dominant, ce serait le rôle du langage. Le langage doit dominer si on veut vraiment que ce soit une œuvre littéraire digne de ce nom. Tandis que dans le roman habituel, dans le roman qui, à mon avis, est hors de la littérature, le langage est transparent, on traverse le langage pour voir ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Et le langage lui-même, on ne le voit pas. Il faut qu'on voit à quoi le langage se rapporte, mais il faut aussi que le langage par lui-même donne une sorte de plaisir. Bonjour Jacques Lassalle. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu un texte de Nathalie Sarraute ? Excusez-moi. Pardonnez-moi. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu un texte de Nathalie Sarraute ? Je crois que la première fois que j'ai lu Nathalie Sarraute, c'est Portrait d'un inconnu. Il y a très longtemps. Et ensuite, j'avais laissé un peu de côté l'œuvre, le roman romanesque. Et surtout, j'avais ignoré de façon presque déclaré, enfin, mon refus de son théâtre. Pour quelle raison ? Ce que j'en avais vu chez Renaud Barrault, et mis en scène par Claude Régis, m'avait paru extraordinairement obscur, élitiste, comment dirais-je, je m'étais senti totalement exclu. Oui. C'est vrai que c'est souvent d'ailleurs la critique qu'on fait à Nathalie Sarraute et au nouveau roman en général. C'est très curieux, ce sentiment que j'avais de n'avoir rien à voir avec ça. Alors, très curieusement, alors que j'étais à la Comédie Française, la question s'est posée de lui rendre un hommage en lui dédiant la première soirée du vieux Colombier que, depuis 3 ans, j'avais travaillé à remettre en route. Donc vous rendez un hommage à quelqu'un dont vous n'appréciez pas, a priori, au départ, la littérature. Oui, mais qui en même temps me paraissait... cet hommage me paraissait s'imposer. Et c'était aussi la conviction de personnes qui étaient auprès de moi et qui ont beaucoup compté aussi, qui étaient Bernard Dorte et Jean-Louis Rivière. Mais eux allaient beaucoup plus loin que ça. Ils me disaient, Jacques, c'est vous. C'est pour vous. C'est vous qui devez mettre en scène Nathalie Sarraute. Il avait été question d'autres personnes. Enfin, je m'étends pas d'ailleurs sur certaines de ces personnes qui se considéraient comme ayant des droits exclusifs sur son œuvre. Enfin, c'est une histoire d'ailleurs finalement très très douloureuse. Un metteur en scène considérait que le théâtre de Nathalie Sarraute lui appartenait, voilà, aux grandes dames de Nathalie Sarraute qui n'était pas du tout d'accord avec, voilà. C'est ce metteur en scène qui avait fait écran finalement entre le texte et le fait que vous n'arriviez pas à entrer dans le théâtre de Sarraute, c'est parce que vous l'aviez vu avec ce metteur en scène? Non, je n'avais pas vu le... Ce metteur en scène avait mis Nathalie Sarraute en scène à Avignon, je crois, mais je n'avais pas vu. Bon, on a beaucoup d'indices, on pourra chercher. Et donc, très curieusement, Jean-Louis Rivière et Bernard Dorte m'ont entraîné à Chérance pour rendre visite à Nathalie Sarraute. La maison de campagne. À sa maison de campagne. Où d'ailleurs je suis revenu. Enfin, je suis revenu à plusieurs reprises à Chérance, mais pour la dernière fois aussi. Voilà, on pourra raconter cet épisode. Et là, alors, ça a été l'évidence, une espèce de formidable connivence immédiate, enfin. Et tout d'un coup, ce théâtre qui m'était si éloigné, si est devenu, mais, enfin, comment dirais-je, je me suis retrouvé absolument. Mais est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi, parce que c'est passionnant pour les auditeurs dont certains d'entre eux peut-être n'entrent pas dans l'œuvre de Sarraute, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez compris de Sarraute qui a fait qu'à un moment donné vous vous êtes dit, ah oui, mais en fait, c'est une œuvre extraordinaire? Ben, je crois tout simplement que je suis très sarrautien sans le savoir. C'est-à-dire que avant de pouvoir formuler un mot, j'emprunte à un nombre incroyable d'interdits, de différés, de voilà. C'est-à-dire que pour moi, passer au mot, c'est comment dirais-je, surmonter un nombre incroyable en un espace de temps très court d'interdits, etc. C'est-à-dire que pour moi, le mot qui advient, d'ailleurs, très souvent au téléphone, avant même que j'aie dit quoi que ce soit, on me dit bonjour, ce qui m'étonne toujours, c'est-à-dire qu'on me reconnaît à cette espèce de borborygme, à cette espèce d'impossibilité initiale de sortir le mot. Voilà, on me reconnaît à mon impossibilité de dire. Et j'ai immédiatement retrouvé ça. Enfin, c'est-à-dire que le mot comme conquête infiniment précaire, incertaine, d'une batterie considérable de d'interdits, d'hésitations, de voilà. En ce sens, je devenais une figure sarotienne absolue, quoi. Alors, vous avez finalement donc monté ces deux premières pièces et ensuite vous en avez monté d'autres. Vous racontez que Nathalie Sarraute venait aux répétitions. Et alors, c'est assez intéressant puisque vous dites qu'elle aimait commenter ses œuvres comme si elles étaient inconnues d'elle. Comme si elle les découvrait. Alors ça, c'est l'évocation du grand bonheur de Nathalie en répétition. C'est-à-dire, on avait procédé en deux temps. Un premier temps, on avait réuni à la Comédie Française, autour de la table, un certain nombre, enfin tous les acteurs, et aussi des jeunes gens qui parallèlement travaillaient à son théâtre. Elle trouvait d'ailleurs que ces jeunes gens avaient bien de la chance, que de son temps, il n'aurait pas été question de participer à de pareilles rencontres. Oui, quand vous dites bien de la chance, ça veut dire presque un peu trop de chance. Que faisaient ces jeunes gens dans cet endroit sacré? Trop de chance. Nathalie pouvait être très offensive et très... Et il se trouve que ces jeunes gens, qu'il avait un peu impatienté par le simple fait qu'ils aient ce privilège, enfin, de participer à la gestation du spectacle, les a enchantés plus tard, parce que ces jeunes gens ont fait un spectacle d'une liberté absolue, à partir de ces deux pièces, Le silence et Elle est là, que j'avais choisi pour ouvrir la saison. Et là, tout d'un coup, alors, elle s'est enchantée parce que ces jeunes gens faisaient preuve d'une liberté, d'une évoluer dans ce théâtre avec une aisance, une complicité, une insolence absolue. Comme si ce théâtre était devenu le leur. Comme s'il exprimait spontanément leur liberté, leur insolence, leur voilà, ça l'avait mis dans une joie extrême. Et là précisément, c'était une façon de briser l'écran que peut parfois être le texte de Nathalie Sarraute, car ces jeunes gens en fait permettaient la transmission directe du sens de ces textes-là. En oubliant même toute espèce de projet de distribution, ils étaient dans une pure aventure du langage libéré, comme ça. C'était très, très étonnant. Pour en revenir à ces séances de travail, Nathalie répondait inlassablement à toutes les questions qui lui étaient posées. Elle retrouvait un acteur qui l'enchantait, c'était Roland Bertin. Et Roland Bertin, qui avait en commun avec elle, depuis le début, de faire appel un peu à l'excès de radicalisme de Claude Régis, qu'il avait mis en scène aussi. Et donc, Roland Bertin militait, comme elle, pour une espèce de théâtre de l'incarnation. Enfin, il faut incarner le texte de Nathalie Sarraute, c'est une question complexe. Mais en tout cas, Nathalie s'enchantait de voir des gens comme François Seigné et comme Jean d'Autremet entrer absolument dans cet univers de pure sensation, de pure, où le théâtre n'était pas du tout l'objet d'une sorte de programmation complexe, mais obéissait à une sorte de spontanéité, elle s'enchantait de ce que lui proposait, comme ça, sans préalable aucun, ces acteurs, qui en plus avaient l'habitude de fermer le sens et de ne pas s'embarrasser des fameux trois points de suspension. Je vous propose, Jacques Lassalle, avant de poursuivre, qu'on écoute justement, en particulier Jacques Bertin, dans un extrait du Mensonge, pièce de Nathalie Sarraute, mise en scène par vous-même. Vous savez, mon petit Pierre, à qui vous me faites penser? À ce personnage, je ne sais plus dans quel roman, dont quelqu'un disait « Il ne laisse jamais personne mentir un peu ». C'est vrai, Pierre, vous êtes terrible. On ne peut pas comme ça se faire le redresseur de tort, le justicier. Ça ne vous va pas, je vous assure. Mais puisque je vous dis que ça jaillit malgré moi, c'est comme une poussée. Rien. La roue, le bûcher. C'est la vérité qui pousse comme ça. Il faut le dire à la décharge de Pierre. Quand elle se met à pousser la vérité... Oui, hein, c'est dur à contenir. Ça demande un espace vital, on n'a pas idée. Ça a une force d'expansion. Il faut avouer que quand Madeleine s'y met, moi aussi, par moments, ça commence à me démanger. Oui, je trouve qu'elle va en empirant. C'est vrai. Il me semble qu'avant, elle était plus timide. Elle le faisait plus mollement. Mais maintenant, c'est jérémiade continuelle. Je dois dire que moi, à sa place, je ne sais pas. Je n'oserais jamais. J'aurais si peur. Je n'ai jamais pu. Même pour des riens. D'abord, mon père, depuis qu'on était tout petit. Pour ça, chez nous, on était d'un strict. Et puis, ça ne me serait pas venu à l'idée. Quand même, tant de transparence, ça doit être un peu pénible. Pas du tout. J'ai horreur de mentir. Même dans les petites choses, je ne pourrais jamais. Pourquoi souriez-vous, Pierre? J'ai souri. Oui, d'un air. On se rend toujours avec vous. Vous me faites tellement l'effet d'être une machine à détecter le mensonge. Voilà cet extrait du Mensonge dans votre mise en scène, Jacques Lassalle, avec notamment Françoise Lebrun, Aurélie Biédou, Roland Bertin. Vous vous souvenez évidemment de ce moment où vous avez mis en scène cette pièce-là. Oui, ô combien. Vous avez dit Françoise Lebrun, c'est Françoise Seignier, je crois. Françoise Lebrun, c'est encore. Alors, elle me racontait des choses. Elle me racontait des choses extraordinaires. Nathalie Sarraute, par exemple, qu'elle avait été voir une exposition Miro. Elle avait la passion des peintres. C'est son mari, d'ailleurs, qui la lui avait donnée dans un. Et elle se tenait très très très à jour avec la peinture contemporaine. D'ailleurs, tous ces livres dans la collection Folio ont pour couverture un peintre qu'elle a choisi elle-même. Alors elle m'avait raconté qu'elle avait été voir l'exposition Miro et qu'à un moment donné un petit monsieur très gentil était venu lui demander si ça lui plaisait, et très étonnée elle avait dit oui infiniment, etc. Et le petit monsieur avait dit « c'est tout ce que je voulais savoir » et il avait disparu. Et Nathalie m'a dit « j'en ai fait le personnage dans « Elle est là » qui sort de la salle et qui devient H3, enfin celui qui surgit du public et qui vient littéralement, voilà. Ce genre de transposition m'enchantait, elle me racontait souvent des choses comme ça, très, très, évidemment très substantielles pour le travail. Alors, 6 pièces de théâtre dans l'œuvre de Nathalie Sarraute, Le silence, le mensonge, C'est beau, elle est là, pour un oui, pour un non, et il doit m'en manquer une. Il faut raconter peut-être comment cet écrivain en est venu au théâtre. Ce n'était pas du tout pour elle quelque chose d'évident. Au départ, Je précise d'abord que j'ai eu l'occasion, la grande chance, pendant 3 ans et demi, de faire une totale du théâtre de Nathalie Sarraute pour France Culture. Avec en plus même Ouvray, dont elle souhaitait absolument que je le mette à la scène. Ce que j'ai fait d'ailleurs, Ouvray, qui est cette histoire extraordinaire, vous savez, des mots qui ont pignon sur rue, qui ont droit de citer, et puis les autres mots qui sont enfermés pour causes diverses. C'est un texte très très étonnant. Alors j'en reviens à votre question. Le premier qui a eu l'idée de lui demander d'écrire pour le théâtre est un garçon qui s'appelait Spies, qui s'appelle toujours Bernard d'ailleurs. Mmh. Et elle disait très plaisamment que c'est à son âge qu'elle avait réagi, parce que s'il avait de près ou de loin été mêlé au régime nazi, elle ne l'aurait sûrement pas accepté. En ce sens, elle différait de ce philosophe dont je cherche le nom, qui lui, après la guerre, a refusé tout ce qui avait trait à l'Allemagne. Ce philosophe que j'ai eu pour professeur, d'ailleurs c'est un comble, qui lui, à partir du moment où il est, c'est-à-dire que il n'a plus jamais voulu pactiser avec quoi que ce soit qui fût allemand. Vous voyez pas le philosophe en question, je le cherche depuis. À la différence, Nathalie ne voulait pas faire rendre responsable la jeune génération qui, voilà. En Bernard ce sens, Spies était par ailleurs un immense francophile. Il a d'ailleurs vécu en France, dirigé le musée du Centre Pompidou. Oui. Donc, il y avait aussi ça, peut-être, dans le fait que quand ce jeune Allemand vient la voir et lui demande une pièce pour la radio, parce que c'est ça, en fait, qu'il lui a demandé au départ. Alors d'abord, elle dit non, et puis après, elle va dire oui. Pourquoi est-ce qu'au départ, elle dit non? Alors, elle dit non, parce que elle ne pense pas un seul instant au théâtre à ce moment-là. Enfin, le théâtre lui paraît. Mais il la convainc, et à ce moment-là, elle découvre que le théâtre, ça peut être, j'allais dire le roman. Enfin, oui, il faut bien parler de roman quand on parle de la. Des textes narratifs de Nathalie Sarraute. Elle a découvert qu'à ce moment-là, peut-être c'est le théâtre devenait le récit inversé, c'est-à-dire que ce qui était dedans, comment dirais-je, devenait le long dehors même de la parole narrative. Enfin, c'est le fameux gant retourné. Dans le gant retourné, elle l'a très bien défini, cette. Je ne vais pas vous infliger la lecture de 2 ou 3 pages, mais c'est ça. Et donc, elle a pris goût peu à peu au théâtre, non pas du tout comme une espèce de comme une espèce de pause ou de respiration ou de. Entre deux romans, mais comme une espèce de quête d'un ailleurs du roman, et peu à peu elle s'est passionnée pour la partie théâtrale de son œuvre, qui a pris de plus en plus d'importance et qui a pris aussi de plus en plus d'amplitude et d'ampleur, voilà. Parce que on pourrait imaginer que ce serait au fond naturel pour quelqu'un comme Nathalie Sarraute, justement, de faire du théâtre, d'écrire pour le théâtre, car tout tourne autour de la parole et autour des silences et autour de ce qui se passe entre les êtres. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas vu tout de suite tout ce qu'elle allait pouvoir faire avec le théâtre ? Elle l'a vu assez vite quand même, parce que même dès le silence, d'une certaine façon, elle a vu qu'il était très possible de, comment dirais-je, d'abord de pointer dans son théâtre, avec des titres aussi essentiels et aussi simples que le silence ou que le mensonge qui suivra immédiatement, elle a trouvé très vite la possibilité de s'amuser, enfin de rire de ce qui ailleurs restait potentiellement extraordinairement menaçant, douloureux. Et puis, elle a pris plaisir à cette espèce de liberté qu'elle qui passait dans le meilleur des cas, écrivait une page par jour et encore les très bons jours, elle n'allait pas plus vite au théâtre, mais elle s'amusait. Elle a découvert ce plaisir-là. Et en même temps, je me rappelle dans les répétitions, nous étions côte à côte et elle passait son temps à me dire « Mais où je vous ai entraîné, Jacques ?» Par exemple, il y avait les fameuses didascalies. Alors, elle notait par exemple H1 rougissant. Mais vous avez dit un jour que vous ne les suiviez jamais, alors ce n'était pas un problème pour vous. Vous avez dit que vous ne suiviez jamais les didascalies, réellement. Oui, alors je lui avais dit, je ne vous promets pas du tout un usage rigoureux de vos didascalies, mais elles sont pour moi très indicatives, enfin. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr de m'en servir à la lettre, mais en tout cas, elles me disent quelque chose de ce que vous avez... comme ça, dans l'imaginaire. Et alors, elle me disait, on peut dire que vous en avez sous les bigoudis. Elle aimait bien citer Frédéric Dard. Enfin, il y avait des auteurs comme ça qu'elle aimait beaucoup. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jacques Lassalle, comme c'est déjà la deuxième fois que vous venez dans cette émission, elle n'a plus de secret pour vous. Vous savez donc que nous recevons chaque jour un représentant de la presse ou des revues culturelles. Et aujourd'hui, c'est Alexis Broca du magazine littéraire qui nous fait le plaisir de sa visite. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. Il y a 15 jours, vous étiez déjà à ce micro et vous nous avez parlé de la rentrée littéraire française. C'est donc de la rentrée étrangère que vous allez nous entretenir aujourd'hui parce que c'est la une du magazine littéraire d'octobre. Et oui, en effet, traditionnellement, nous dédions notre magazine d'octobre aux nouveaux livres étrangers qui paraissent en France. Et cette rentrée étrangère, on l'attendait beaucoup parce qu'il y a eu plusieurs livres intéressants qui sont parus en dehors de nos frontières et dont on attendait la traduction. Alors, il y a notamment un conte d'Edna O'Brien qui s'appelle « Les petites chaises rouges » chez Sabine Vespizer, qui raconte l'irruption dans l'Irlande rurale chère à l'inspiration d'O'Brien, et bien l'irruption d'une figure de guérisseur, sexologue slave, qui s'appelle Dr Vlad et qui est par ailleurs, qui cache un criminel de guerre. C'est une fable extrêmement grinçante et cruelle, comme O'Brien peut le faire, mais avec un soupçon de fantastique en plus. Vous avez aussi ce livre qui était pour quelque chose que j'attendais beaucoup, qui était le livre du Jamaïcain Marlon James, qui a fait beaucoup de bruit l'an dernier aux États-Unis. Il a eu le Booker Prize. Alors, c'est un livre monumental qui s'appelle Brève histoire de sept meurtres. En fait, de Brève histoire, c'est un roman gigantesque avec 15 narrateurs, une intrigue qui s'étale sur un peu plus d'une décennie. Le but, c'est de raconter le chaos à l'intérieur de la Jamaïque dans les années 70 en prenant pour centre deux concerts qu'a fait Bob Marley, et aussi un attentat, on le sait moins, dont a été victime le célèbre chanteur jamaïcain. Voilà. Et puis il y a aussi le livre d'Antonio Munoz Molina. Attentat encore. Voilà. Alors, comme l'ombre qui s'en va. Voilà. Lui aussi sur un attentat, en effet, sur l'assassin de Martin Luther King et les quelques jours, c'est une période, il y a quelque chose d'assez peu connu, les quelques jours qu'il a passé à Lisbonne dans le but de partir pour l'Angola. Voilà. Alors, c'est un livre qui ne parle pas que de ça, mais bon, je suis pas sûr que ce soit le lieu pour tout détailler. Vous avez une préférence parmi ces trois-là ? Oh, écoutez, moi, je vous avoue que mes tropismes, pour employer un terme sarotien, me mènent vers Marlon James, forcément, parce que bon, moi, je suis un grand amateur de James Ellroy, et là, on voit bien que c'est une littérature comme ça, foisonnante, chaotique, luxuriante. C'est un chaos dans lequel il fait bon se perdre. Donc voilà pour la rentrée littéraire étrangère. Vous consacrez également un dossier aux mémoires de John le Carré. Oui, alors les mémoires de John le Carré, ça fait partie de ces livres extrêmement attendus dont je vous parlais. Ça, c'est carrément un serpent de mer, en fait, de l'édition. On sait bien que John le Carré a été espion, qu'il a eu une enfance particulière. Et on se demandait, eh bien, quand allait-il un jour écrire ses mémoires ? En plus, alors, on s'est dit que peut-être il n'allait pas le faire, puisqu'il y a une biographie qui est sortie, et voilà qu'on nous annonce ensuite les mémoires de Le Carré. Et alors pour nous, évidemment, nous avons sauté sur l'occasion pour faire un dossier consacré à John Le Carré. Pour nous, ça nous paraissait important pour plein de raisons. Il y a beaucoup de malentendus qui pèsent sur la figure de Le Carré. On le prend pour un auteur documentaire en estimant que ses romans sont une façon de dire la vérité du monde de l'espionnage sous couvert de fiction. En fait, c'est pas du tout ça. On le réduit en auteur de genre en s'intéressant uniquement à la mécanique brillante de ses intrigues et en faisant totalement l'impasse sur son grand talent d'écriture, sur sa façon de prêter des langages différents aux personnages. Voilà. Et donc, on a réalisé ce dossier à la fois avec des universitaires. Vous savez, il y a beaucoup de monde. Il y a la traductrice de Le Carré, il y a des écrivains. Des écrivains. En effet, il y a beaucoup d'écrivains qui sont très amateurs de Le Carré, notamment Eddie Cadour ou même Robert Little. Voilà. Et puis, par ailleurs, on a quelque chose d'assez exceptionnel, je vous avoue. On y croyait peu jusqu'à le recevoir. nous avons un article de John Le Carré. C'est exceptionnel parce que John Le Carré a déclaré partout, à son agent qu'il l'a déclaré partout, qu'il ne dirait rien, qu'il ne parlerait pas à la presse, qu'il ne ferait rien. Et ben, écoutez, il écrit quelque chose et c'est sur trois pages dans le magazine littéraire. Comment avez-vous fait alors ? Alors, vous avez des réseaux d'espionnage ? Écoutez, c'est vraiment une histoire digne de John le Carré. Voilà. Donc vous ne voulez pas en parler à la radio ? C'est un peu difficile. Disons qu'on avait lancé quelques filets il y a très longtemps pour un éventuel dossier. On nous a dit, est-ce que vous ne voudriez pas attendre peut-être un peu ? On a demandé pourquoi. On nous a dit c'est confidentiel, mais voilà, il y a quelque chose en préparation. On a répondu oui, mais pourquoi nous attendrions ? Et ils nous ont dit, on aura peut-être quelque chose pour vous d'exceptionnel. Et en effet, on l'a eu. Voilà. Bon, la vie trépidante des journalistes du magazine littéraire. Merci voilà. Alexis Broca. Et puis évidemment, je donne rendez-vous aux auditeurs en kiosque pour se procurer ce numéro du magazine littéraire. La compagnie des auteurs reprend son chemin dans le sillage du théâtre de Nathalie Sarraute. Nous sommes avec Jacques Lassalle et nous parlons de l'auteur de Pour un oui, pour un non. J'écris d'abord, je prononce chaque mot. Et alors j'écris, le rythme joue un rôle d'une importance capitale dans ce que j'écris. Chaque rythme de la phrase, la sonorité de chaque mot, des mots. C'est pour ça que je le dis en l'écrivant. Et mes textes, souvent, rendent mieux à la lecture à haute voix que quand on les lit. Je Je me demande comment les lecteurs les lisent. Je voudrais qu'ils les lisent comme moi je les lis. Ben, en attachant une importance très très grande au rythme. Au rythme, aux coupures, aux suspensions, au souffle de la phrase, à l'espace qui sépare les différents morceaux. Ça joue un rôle capital pour moi. Si le lecteur n'en tenait pas compte, ben je crois que presque tout ce que je veux faire disparaîtrait. Il faut qu'il soit porté justement par cette espèce de mouvement, de rythme. Quand vous lisez Nathalie Sarraute, Jacques Lassalle, est-ce que vous retrouvez ce qu'elle disait à l'instant en archive sur le rythme de ses phrases ? Quand vous lisez, peut-être que vous le disiez, peut-être que vous le dites aussi, peut-être que c'est à voix haute qu'il faut lire Nathalie Sarraute, comme elle-même écrivait à voix haute. Oui, c'est très, très étonnant. Je retrouve d'ailleurs dans le livre que j'ai reçu pas plus tard qu'hier, de Roland Kos, qui sera notre invité de demain. La conversation avec Nathalie Sarraute, je retrouve exactement, nous avons en commun d'avoir partagé les merveilleuses après-midi de Nathalie chez elle, tout près d'ici d'ailleurs, dans l'immense appartement où son mari avait fait sa carrière d'avocat et où elle restait seule avec à l'autre bout de la pièce sa fille Dominique qui était comment dirais-je peintre enfin qui peignait elle oui. aussi enfin. Pour vous répondre, ce qui est très frappant c'est que Nathalie ne lisait jamais, elle avait horreur de lire. Elle disait à haute voix tous les textes, et son très grand plaisir d'ailleurs, c'était de dire ces textes, de les dire en public, et d'éprouver comme ça une espèce de, comment dirais-je, de rencontre avec le public qu'elle avait si peu pratiquée jusqu'alors. Elle était tellement perdue dans sa solitude, et là, tout d'un coup, l'occasion lui était donnée, un peu partout dans le monde, et très particulièrement aux États-Unis, et en France, de rencontrer le public d'une certaine façon, et de parler ses textes, et c'était son très grand plaisir. Quand elle était enfant, elle aurait voulu être ou architecte, ou actrice. Ou institutrice, oui, c'est vrai, dans l'enfance. Mais elle se trouvait trop laide pour être actrice. Alors, elle avait une façon extraordinairement drôle de raconter la seule fois où elle a fait l'actrice, dans cette adaptation très, très chic, enfin, d'un texte de d'un texte bien connu qui était joué par avec Beckett oui. Oui, alors le nom effectivement de la pièce en question m'échappe également, mais c'était très amusant d'ailleurs cette pièce, puisque en réalité ils jouaient tous très mal et en même temps elle était ravie de cette expérience. Elle racontait avec voilà, c'est la seule fois où elle avait fait l'actrice. Elle les autres improvisaient, riaient, s'amusaient. Elle était très très sérieuse et faisait comme tout ce qu'elle faisait dans l'exigence et le bonheur absolu de cette expérience. Donc vous en parlez vraiment comme d'une amie, et c'est quelqu'un que vous avez beaucoup fréquenté, comme effectivement Roland Kos, qu'on entendra demain. Et tout à l'heure, vous avez commencé à raconter, Jacques Lassalle, que vous êtes allé le jour de son enterrement, l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et vous en avez tiré un texte, ce texte qui s'appelle « C'est fini ?» point d'interrogation. Oui, c'était ces derniers mots m'a raconté Claude Sarraute, l'aîné de ses filles, qui était si différente d'elle. Elle trouvait que sa fille aînée ressemblait étonnamment à sa mère, qui avait été une romancière échevelée comme ça, et qui avait cette facilité d'écrire qui sidérait Claude Sarraute, qui sidérait Nathalie. Un jour, je me souviens, à la radio, nous étions interrogés tous les deux, et on lui avait parlé avec un peu de condescendance de sa fille Claude Sarraute, et elle s'était mise très en colère, parce que elle admirait profondément chez sa fille cette facilité-là. En tout cas, les derniers mots de Nathalie, ça a été « c'est fini ». Et je me suis interrogé sur... C'est fini ou c'est fini avec un point d'interrogation? Voilà. Est-ce que c'était une simple façon d'entériner le fait acquis, c'est fini? Ou alors, est-ce que c'était encore une question? Et j'imaginais ce que tout c'est fini en question pouvait comporter de soulagement, d'angoisse, de répit enfin trouvé, de voilà, c'est admirable de finir sur cette phrase là. C'est fini. C'est tellement profondément sarrautien. Je pense à la toute dernière Nathalie qui n'avait même plus la force d'aller dans son fameux bistrot arménien où elle trouvait le silence dans le bruit et la solitude dans l'animation. Elle n'avait même plus la force d'aller là. Elle était tout à fait désemparée. Elle ne pouvait plus écrire. Mais elle restait persuadée que jusqu'au bout, même dans l'impossibilité où elle était d'écrire le moindre mot, et surtout pas ses mémoires, elle avait horreur de tout ce qui était correspondance, et elle disait d'ailleurs très joliment, ce serait terrible, parce que écrire ses mémoires, ça ne se justifie que si on dit tout. Et si je disais tout, ce serait tellement terrible que plus personne ne me saluerait jamais. Mais vous, ce n'est pas votre avis. Vous pensez qu'on peut, d'une certaine façon, presque tout dire. Je crois personnellement que, avec le temps, on atteint une telle liberté, un tel en dehors de la, comment dirais-je, de la sociabilité convenue, qu'on peut aller jusqu'à tout dire, ou presque. C'est ce que je m'apprête à faire. Revenons au théâtre quelques minutes. Que s'est-il passé, Guy? Qu'est-ce que tu as contre moi? Mais rien. Pourquoi? Ah, je sais pas. Il me semble que tu t'éloignes. Tu fais plus jamais signe. Il faut toujours que ce soit moi. Tu sais bien, je prends rarement l'initiative. J'ai peur de déranger. Oh, pas avec moi, tu sais que je te le dirai. Nous n'en sommes tout de même pas là. Non, je sens qu'il y a quelque chose. Mais que veux-tu qu'il y ait? Ben, c'est justement ce que je me demande. J'ai beau chercher, jamais, depuis tant d'années, jamais rien eu entre nous. Rien, en tout cas, dont je me souvienne. Moi, par contre, il y a des choses que je n'oublie pas. Tu as toujours été très chic. Oui, il y a eu des circonstances. Oh, qu'est-ce que c'est ? Toi aussi, tu as toujours été parfait. Un ami sûr. Tu te souviens comment on attendrissait ta mère? Oh oui, pauvre maman. Elle t'aimait bien. Elle me disait, ah, lui au moins, c'est un vrai copain. Tu pourras toujours compter sur lui. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Alors? Alors, que veux-tu que je te dise? Si, dis-moi. Je te connais trop bien, il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance de tout le monde, du reste. Mais maintenant, avec moi. Encore l'autre jour, au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde. Ça me fait de la peine, tu sais. Mais moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois. J'ai donc raison. Je t'aime tout autant, tu sais. Ne crois pas ça. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort? Pourquoi ne veux-tu pas le dire, Yann? Tu as quelque chose? Non, vraiment rien. Rien qu'on puisse dire. Et c'est quand même. Non. Un extrait de Pour un oui, pour un non, formidable pièce, dans votre mise en scène avec Hugues Kester et Jean-Damien Marbin. Qu'est-ce que vous entendez quand vous réécoutez cet extrait de cette pièce que vous avez montée? Qu'est-ce que vous réentendez? Qu'est-ce que vous redécouvrez? Je réentends et même je revois. Et je suis doublement touché parce que je revois Nathalie qui était venue voir le spectacle au théâtre de la Colline. Je revois son bonheur d'être là, d'être reçu comme un auteur tout d'un coup absolument accessible. Enfin, parce que tout ce que j'ai essayé de faire pour Nathalie et les acteurs qui la fascinaient tant et qu'elle fascinait tant et les acteurs avec moi, c'est-à-dire c'était d'arracher Nathalie à un certain nombre de menaces qui pesaient sur son théâtre et sur le premier d'entre eux, c'était quand même une espèce de radicalisme de la pure aventure de langage. Et bien entendu, il n'est d'autre de littérature que de langage. Mais ce radicalisme-là, cette espèce d'assèchement, me paraissait très abusif. Parce que c'est une pièce très touchante, enfin, qui est de plein pied avec la vie, qui même interpelle et c'est une pièce qui tous les spectateurs, quels qu'ils soient, je crois. Qui nous interpelle immédiatement, voilà. Donc ça me paraissait très important. Ça me paraissait très important aussi de l'arracher. Et à ce moment-là, elle était fatiguée des Sarotiens. Elle était fatiguée de ceux qui étaient plus Sarotiens qu'elle. Elle était volontiers polémique, Nathalie. Et elle était un peu fatiguée, voilà. Elle était soucieuse d'échapper, comme ça, à cette extraordinaire, comment dirais-je, garde qui veillait autour de son œuvre, qui veillait sur elle et qui prétendait en détenir les secrets et les enjeux. Alors qu'en fait, personne finalement ne parlait mieux qu'elle de sa propre œuvre. Elle était presque autant une grande critique littéraire de sa propre œuvre qu'une écrivaine. Elle était admirablement ce que Baudelaire appelait la plaie et le couteau, c'est-à-dire que elle savait admirablement mettre en perspective et interroger son œuvre, qu'elle soit narrative ou théâtrale. Elle savait le faire admirablement et avec toute la douleur que cela peut comporter. Enfin, la douleur et aussi le plaisir. Elle avait horreur des compliments. Les compliments la mettaient hors d'elle. D'ailleurs, elle affirmait qu'elle ne pas exister. Elle n'avait pas d'autre existence que les textes qu'elle produisait, affirmait-elle. Ce qui mettait très en colère Christine Fersen, d'ailleurs. Enfin, c'est un autre... Alors, est-ce qu'on peut parler, comme Sartre a parlé d'anti-roman, est-ce qu'on peut parler d'anti-théâtre pour le théâtre de Sarraute? C'est la grande question. C'est la grande question. J'ai l'occasion d'expliquer ça assez bien. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre qui, évidemment, ne comporte aucun personnage, ne comporte aucun dialogue au sens usuel du terme, c'est-à-dire d'échange, sauf peut-être en effet dans pour un nom. Mais en principe, c'est un théâtre sans situation, sans lieu où ça se passe. C'est un théâtre. Combien de temps dure-t-il ? Le temps d'être dit ? Ou beaucoup plus longtemps ? Ou beaucoup moins longtemps ? C'est un théâtre très difficile à définir comme. C'est un théâtre de la sensation. C'est un théâtre de la sensation piégée. Et très curieusement, du langage incarné, enfin, voilà. Le contraire de ce qu'on croirait, a priori. Le contraire de ce qu'on a cru longtemps et de ce qu'on a voulu longtemps que soit son théâtre. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a un très beau... un film de Doyon qui est très... Il y a d'abord l'adaptation de Pour un oui, pour un nom. Pour un nom, par Doyon, qui est un très beau travail qui va et vient entre une sorte de réalisme et de dépassement absolu du réalisme. Et puis, il y a le film que Doyon a consacré à Nathalie Sarraute, avec d'ailleurs Isabelle Huppert, et qui est une très belle introduction. Un siècle d'écrivains. Un documentaire qui reprend, voilà. Et où d'ailleurs on entend Nathalie Sarraute, car elle est interrogée, et un petit peu comme dans Enfance, elle se dit « alors je vais vraiment faire ça, je vais vraiment accepter de répondre à des questions pour un documentaire sur moi ». À la fois étonnée et ravie, car à la fin de sa vie, tout de même, je le répète, cette relation en direct avec le public... compenser tant et tant d'années de solitude, de retrait et de refus. Car Nathalie Sarraute, qu'elle ait été ou non, a juste embrigadée dans le nouveau théâtre, elle avait horreur de cette appellation, Nathalie Sarraute a toujours revendiqué une singularité absolue qui n'avait rien à voir avec quelque école que ce soit. Merci beaucoup Jacques Lassalle d'être venu nous parler aujourd'hui du théâtre de Nathalie Sarraute. Je vous propose de terminer cette émission comme chaque jour en écoutant la poésie choisie et dite par Jacques Bonafé. Bonjour. Parti à train d'enfer dans la physique amusante avec Jacques Reda, nous parlons du temps, encore, toujours, encore. Et par touches affectives ici, entre banlieue et ville, en alexandrin tiré de sa lettre sur l'univers, aux banlieues. J'aurais beaucoup aimé vos charmes équivoques, villas, petits manoirs, usines et bicoques, perdus au bout d'un parc qu'on défonce ou tassés dans des jardins étroits qui n'ont jamais assez de dahlias, de choux et parfois de sculptures en fil de fer levant par-dessus les clôtures des visages de dieux taillés dans l'isorel. Votre artifice fut pour moi le naturel. Et vos combinaisons où l'ordre dégénère, une contrée enfin toute à l'imaginaire vouée. Et j'ai longtemps erré comme en dormant, de surprises moroses en fade enchantement, mais toujours attiré plus loin, mis en alerte par la proximité de quelques découvertes philosophales, au coin frémissant d'un sentier qui débouchait soudain sur un trou de chantier, ou bien vers le sommet désert d'une avenue conduisant en plein ciel à la déconvenue. Sur la ville, nous avons bien vécu de toute autre manière que ne l'imaginaient les rêveurs de jadis, ou qu'elle nous conduise enfer ou paradis, cette phase n'est pas à coup sûr la dernière. Et l'avenir dont l'ombre aujourd'hui donne froid, à son tour devenu sujet de nostalgie, réchauffera le creux où l'on se réfugie parmi les souvenirs contre le désarroi. Ainsi le rampement sournois des mégapoles qui promet à chacun le libre anonymat nous fait-il regretter la faune et le climat des chefs-lieux que l'enfance embellit. Faribole, si l'on songe aux rideaux soulevés au cancan, haine, secret, honteux, cafard et jalousie, convoitise tressant dans les âmes moisies la corde qu'on emporte au grenier suffocant. C'est un extrait. Ode. Mais pour qui? Pour combien de temps? Ils sont tous morts, les habitants du village où nous avons vu courir des vaches, des moutons, et sur la route où nous montons, vers le bois du coteau pointu de Chamilly, nous chercherons en vain traces des vignerons qui revenaient la hotte au dos, ou des grands chars bleus de juillet, quand déjà parfois on cueillait des mûres avec leurs chevaux, qui savaient ramener chez eux ces rois solennels et taiseux que le mar avait statufiés et qui passaient de leur labour au clairon ou bien au tambour des fanfares, tous oubliés. Même des murs de leur maison, rafistolés par des maçons indifférents pour de nouveaux occupants, demi-citadins qui répandent dans leur jardin du gazon, des tuyas, du faux marbre et jamais ne vont s'asseoir. En été, quand tombe le soir. Vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare. Jacques Bonafé dans la compagnie des auteurs qui interprète depuis lundi des textes de l'écrivain et poète Jacques Reda. Merci à vous Jacques Lassalle pour cette exploration du théâtre de Sarraute. Je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, cher Jacques, à podcaster la compagnie des auteurs dont vous êtes donc infidèle, hein, puisque vous étiez déjà venu nous parler de Marivaux. Eh bien, sachez que même notre semaine sur Marivaux, tout comme l'ensemble de la saison dernière, reste disponible au téléchargement. Nous sommes également présents sur Facebook et Twitter. Cette émission était comme chaque jour réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Élise Leu et à la préparation, Corinne Amard, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Demain, dernier temps de notre semaine consacrée à Nathalie Sarraute, Roland Cos et Michel Gazier évoqueront pour nous les conversations qu'elles avaient l'après-midi avec l'auteur de La Sous-Conversation.